Écoutez ici le son des vacances. Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti. Hello, bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, c'est parti pour 2 heures de mix non-stop. Comme tous les week-ends, le vendredi et le samedi, 21h, 23h. Samedi à 21h sur Sorgia FM. I think you wanna come over.

voiture au garage. Je prends ton avion sur Paname. J'ai le Valhalla, ça m'a touché, j'ai la larme. Tu me fumais, j'ai mis la soquette sur la larme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Plein d'atterrir en plongée. Dans le fond, tout m'a coudé. Je les vois tous jalousés. Je suis très organisé. Les petits chats m'aient bougé. Je suis en MP tous les tés. Le rouge, j'ai pas fait tuer. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. I'm si yo le hablo en español. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor. Los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho sacoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, bailalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, bailalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Qué calor. En la discoteca, qué calor. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again. Sunday, what?

Vous auriez deviné Ace of Base, All That She Wants, le remix. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, le vendredi, le samedi, 21h-23h. C'est ça aussi. Découvrir des remixes. Et là, je l'ai découvert il y a quelques jours et j'adore. Ugel, VS, Abba. Voulez-vous ? Bonne soirée à vous, c'est le mix de Ludo jusqu'à 23h. home in time to have your body just to hold me close tonight. Missing all the red lights, cause you made me warm inside. But I know I let you break my heart, cause that's all that's left to do when I get this close to you. Break my heart, cause that's all that's left to do when I get this close to you. Je m'en fous.

mi a un curana. Dilo, no lo sé. Bonsoir à vous, c'est Ludo qui vous emmène encore pour une heure. Le son de l'été l'année dernière. Jérusalem. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Petita petina Monica Pasciamotto.

about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. Allez, débutons cette séquence souvenir avec FL65 Blue. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine, enfin que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon week-end également. Là, il fait chaud, hein. Ouais, vous êtes peut-être dans la piscine. À la plage, on sait jamais. Vu que l'émission, vous pouvez la podcaster tous les lundis. Eh oui, l'émission, vous pouvez la podcaster. Eh ouais, elle est sur le site de la radio. Vous tapez sur JFM et vous vous laissez guider, podcast. Vous cherchez le mix de Ludo. Et voilà. Le mix de Ludo. Le vendredi, le samedi, 21h-23h. Faces I see, saw my happy, saw me misery. Don't mess the world, cause that's a sequel. Open your mind, cause we're talking about the people. In the world, all kind of races, different races, different faces. Different faces. back with a chimney on her. She's gonna look like with a chimney on her. Soirée, vous, il nous reste moins d'une heure à passer ensemble. Stardust à l'instant, Music Sound Basel with You. Nous sommes dans les années 90. Le temps où il y avait encore du bon son. Je dis pas que maintenant c'est la MERDE, mais presque. Allez, bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. Suivre sous le chip, mais si vous connaissez, il vous fait. I feel right, the music sounds better with you.

the mix. Come on! We'll be right back. c'est fou ce qu'on trouve dans sa cave parfois. Hein. Rodrigo B, aussi Alegria. Le remix. Alors si je me souviens bien, si vous vous souvenez de la chanson, l'émission Facile à chanter avec Patrick Bruinet dans les années 90 sur France 3, il me semble que la chanteuse, c'était elle. Ouais, c'est le mieux à la vitesse normale, ça. Passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 21h, samedi 21h également. Voici Scooter. Hyper, hyper. Et oui, après Move Your Eyes, ça vit ça. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Extrait d'un album qui s'appelle Let the Beat Goes On. Passez une bonne soirée. On n'a pas encore fini, il nous reste 10 minutes encore à passer ensemble. Excuse me. Where is the bass drum? Samedi à 21h sur Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. c'est vieux, mais qu'est-ce que c'est bon. À l'instant, Scooter, Hyper Hyper, voici Yves de Ritter, Calling Heart. Il y avait du bon dans le Banzai Record. Hein. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye, prenez soin de vous. Attention, il fait chaud, mettez de la crème. Et c'est moi qui dis ça. Bonne soirée, gros bisous, ciao, ciao. Ici le son des vacances. Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM.